alors qu'ils se sont fait la malle. Ils ont perdu les pédales, tous à la manif. Moi je sais ce qui nous nique, c'est les segments stratégiques. Partage en business unit, c'est pour ça que je milite. C'est moi le directeur, retour de placard. Produit limité, faut pas rentabilité. Le cash flow j'inspecte, mais la qualité j'inspecte. Les hiérarchies chient dans son froid comme dans massif. Leurs couilles se sont fait la malle. Ils ont perdu les pédales, tous à la manif. Les ratios sont pas beaux, le bilan est branlant. Tout l'actif est passif et les slogans, on s'en moque. Virez-moi toutes ces femmes, il nous faut un vrai patron. Des gros outils de gestion, ça c'est dans mon programme. Mon programme à moi. Les hiérarchies chient dans son froid comme dans massif. Leurs couilles se sont fait la malle. Vous êtes tous des pédales, y'a personne à la manette.